Eh ben, ça fait du bien, bon petit Bob Marley, dès le matin. Il est 8h, presque 37 minutes. On est toujours dans la matinale. Et on va passer, eh bien, aux anniversaires avec ceux qui sont nés un 6 février 1931, naissance de Rip Torn, acteur américain, connu pour son rôle de Zed dans Men in Black 1 et 2, son rôle de Patches O'Hooligan dans Dodgeball, même pas mal, son rôle de Louis XV dans le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, et vu dans la série The Larry Sanders Show dans le rôle d'Arthur. 1953, naissance de Frank Capilleri, acteur français, connu pour son rôle de Francis Rivière dans la série Une femme d'honneur, son rôle de Robert le maire dans Une famille formidable, vu également dans Section de recherche, R&S Police Scientifique ou encore Balthazar. 1958, naissance de Barry Miller, acteur américain, connu pour son rôle de Ralph Garcet dans le film Fame, vu également dans Le Sicilien. 1962, naissance d'Axel Rose, chanteur, compositeur du groupe américain Guns N' Roses, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Don't Cry. Voilà pour l'extrait des Guns N' Roses. On continue. On va en 1966 avec la naissance de Rick Astley, chanteur britannique. 1977, naissance de Josh Stewart, acteur américain, vu dans L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Pleasant Curtis, The Collector, The Dark Knight Rises, à la télé dans la série New York 911 dans le rôle de Brendan Finney, Esprit criminel dans le rôle de William LaMontagne Jr., Mentaliste ou encore Shooter, la série dans le rôle du méchant Solotov. 1978, naissance de Yael Naïm, chanteuse franco-israélienne. 1979, naissance de Dan Balan, chanteur moldave qui fut membre du groupe Ozone, et on va s'écouter un extrait et bien de leur titre Dragosta Dintei. Haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Voilà un peu l'extrait du groupe Ozone. Allez, on continue. 1982, naissance d'Alice Eve, actrice anglaise, vue dans le film Trop belle, dans le rôle de Molly McLeish, Sex and the City 2 dans le rôle d'Erin, Men in Black 3 dans le rôle d'Olivia, alias l'agent O en 1969, et The Dark Knight Into Darkness, Star Trek Into Darkness, c'est mieux, ne pas confondre avec Batman, dans le rôle du docteur Carol Marcus. 1984, naissance de Julie Taton, qui fut Miss Belgique 2003, 2003 et qui depuis est présentatrice télé. En 1952, est décédé George VI d'Angleterre, un roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord et du Commonwealth de 1936 jusqu'à sa mort. En 1956, est décédé Henri Chrétien, inventeur français du dispositif optique de l'hypergonard sur lequel est basé le cinémascope. En 1993, est décédé Arthur Ashe, ancien joueur de tennis américain qui fut numéro 2 mondial en 1976, qui avait gagné une fois l'Open d'Australie, et Wimbledon et l'US Open. Il avait été quart de finaliste à Roland-Garros et en double messieurs, il avait gagné une fois l'Open d'Australie à Roland-Garros et il a été une fois finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. Et il avait également remporté 4 Coupes Davis. En 1994, est décédé Jake Kirby, dessinateur, auteur américain de comics, un des artistes les plus influents, célèbres et prolifiques de la bande dessinée américaine, puisqu'il est à l'origine de nombreuses séries qui marquèrent l'histoire des comics américains. En 1940, il a créé avec Joe Simon Captain America. En 1947, toujours avec Joe Simon, il a inventé le genre des comics de romance. Et dans les années 60, avec Stan Lee, il avait créé de nombreux super-héros qui ont d'ailleurs fait la renommée de l'éditeur Marvel Comics, notamment les 4 Fantastiques, l'incroyable Hulk, Thor, les Vengeurs ou encore les X-Men. Et enfin, dans les années 70, pour DC Comics, il a entrepris son œuvre la plus ambitieuse, constituée de 4 comics reliés pour former une seule saga, le Quatrième Monde. En 1998, décédé Carl Wilson, musicien américain du groupe Beach Boys. Et on va tout de suite écouter un extrait de leur titre I Get Around, direction les plages californiennes. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Voilà pour l'extrait des Beach Boys. Et en 2017, décédé Roger Valkoviak, cycliste français connu pour avoir gagné le Tour de France en 1956. Allez, nous sommes mercredi, c'est la journée des enfants, mais aussi celle des sorties cinéma. Et on commence tout de suite avec La Favorite, un film historique, drame de Yorgos Lanthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone. Autre film, Arctic, un film d'aventure, thriller de Joe Pena avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smaradottir et Tintriné Tikasuk. Autre film, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. On voit la bande-annonce partout. Ils sont dans toutes les émissions. Eh bien, ça y est, le film sort enfin aujourd'hui. C'est une comédie de et avec Philippe Lachaud, aux côtés de sa bande, Tarek Boudali, Elodie Fantan, Julien et bien d'autres. Il y a même Pamela Anderson qui fait un petit coucou dans le film. Autre film, Dragon 3, Le Monde Caché. C'est un film d'animation très bien pour les enfants aujourd'hui. My Beautiful Boy, un drame de Félix Van Groningen avec Steve Carell, Timothée Chalamet ou encore Jack Dylan Grazer. Autre film, Une Intime Conviction, un film judiciaire, drame d'Antoine Rimbaud avec Marina Foïs, Olivier Gourmet ou encore Laurent Lucas. Autre film, La Dernière Folie de Claire Darling, un drame comédie de Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni ou encore Samir Ghesmi. Et enfin, dernier film, animation intitulé Mango. Allez, on marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec le chanteur Rick Astley, connu pour le titre Never Gonna Give You Up, qu'on écoute tout de suite. Thinking of Rick Astley sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on est toujours sur le 107 et on fait un point tout de suite sur la météo. La météo. Et en ce mercredi qui est la journée des enfants, eh bien ce sera une magnifique journée. Alors pourquoi pas aller en profiter sur les pistes de ski, puisque on va vraiment passer la journée sous le soleil avec quelques petits nuages, mais alors vraiment petits. Il fait froid ce matin tout de même, des températures comprises entre moins 5 et moins 3 degrés. Et cet après-midi, des températures comprises entre 5 et 7 degrés. Pour jeudi, eh bien ce sera de la pluie. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés prévus pour demain après-midi, et pour vendredi ce sera le retour du soleil accompagné de nuages, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin et entre 6 et 7 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On fait un point football avec en Ligue 1 la victoire de Marseille, 1-0 hier soir face à Bordeaux. Et en Coupe de France, Dijon s'est imposé à Croix, 3-0. Metz a été éliminé 1-0 face à Orléans. Nantes s'est imposé 2-0 face à Toulouse. Et le petit pousset, le SC Bastia, a été jusqu'au tir au but face à Caen. Caen d'ailleurs qui s'est donc imposé après cette séance 5-3. Ce soir, Villefranche, club de National 1 reçoit le Paris Saint-Germain. Vitré, club de National 2, reçoit le club de National 1 Lyon-Duchère. Et il y aura également Rennes face à Lille. En tennis, à Sofia, qualification de Gaël Monfils en 2-7 face à Troïki, 6-3, 6-4. En revanche, élimination de Manarino face à Madane en 2-7, 6-4, 7-6. Pas de français sur les cours aujourd'hui à Sofia. Et du côté de Montpellier, l'aventure continue pour Ohang en 2-7 face à Darcy, 6-1, 6-2. Mahut, lui, a été éliminé en 2-7 face à Krajinovic, 7-6 et 6-4. Benoît Paire s'est qualifié en 2-7 face à Donskoy, 7-5, 6-3. Et Herbert s'est qualifié en 2-7 face à Kudla, 6-2, 6-1. Aujourd'hui, deux duels franco-français entre Ohang et Chardy, et entre Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga. Et Benoît Paire, lui, affrontera Thomas Berdych. Un point basket avec les résultats de NBA, ce n'était pas franchement une nuit pour nos Français. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est inclinée 115 à 117 face aux Clippers de Los Angeles. 9 points pour Batum, 4 pour Parker. L'équipe de Boston de Yabusele, qui ne joue plus en ce moment, s'est imposée, mais bon, notre Français n'a pas joué face à Cleveland. L'équipe de New York de Tilikina, absent hein, puisqu'il est blessé à l'aine, s'est inclinée face à Détroit. Et enfin, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier, plutôt en forme cette nuit avec 25 points, et eh bien c'est malheureusement incliné face à l'équipe d'Oklahoma, 132 à 122. Et on termine avec du ski alpin en super G, le sacre de Michaela Schifrin, la première française, termine à la 16e place, il s'agit de Tessa Worley. Voilà pour l'actu sportive, on marque tout de suite la dernière pause musicale avec Yael Naïm et son titre New Soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.